Dans son lit, j'ai laissé ma poupée. Mon cerveau fait looping, ça et c'est loupé. Je leur impose mes idées comme si j'étais Poutine. C'est devenu ma routine. La défaite, ça crée des liens. J'ai vu plein de mes ennemis devenir des tiens. Ma dégaine a fait des siens. Si je tombe, je sais qu'ils ne seront plus des miens. Mon cœur fait un footing. C'est plus des stories, mais des shootings. En vrai, c'était boring. Mais j'avoue, j'ai kiffé la Martine. J'ai l'ambition tueuse. Le regard acide, les lèvres juteuses. Leurs manières sont douteuses. J'suis pas amnésique, j'suis bonne joueuse. À chaque punchline, j'me demande encore si je les épargne. J'fais dans le détail. Ma plume est précise quand elle s'étale. À chaque punchline, j'me demande encore si je les épargne. J'fais dans le détail, ma plume précise quand elle s'étale. Ça y est, c'est loupé, mon cerveau fait louper. Ça y est, c'est loupé, mon cerveau fait louper. Ça y est, c'est loupé, mon cerveau fait looping. Ça y est, c'est loupé. C'est vrai qu'il n'y a pas de génie sans éclair. Mon poteau, il t'arrivera jamais R. Si tout ce que t'espères, c'est des follow et des shares. Percé dans la SMR, ah ouais, t'as espoir d'être ballon d'or en lâchant juste un flip. Porter talon d'or en explosant un smic. Non, tu chantes depuis deux jours, viens pas réclamer un feat. Choper la rage, ça commence à lâche tendre. Cette vie, j'ai placé ma vie à l'attendre. Rec, shoot, cerveau fait des loops comme sur GarageBand. Fuck les gossips, défoncé au shit. Trop de boulettes sur mon survêt à trois bandes. J'danse sous les étoiles, c'est pas la la lande. J'ai bossé ma zig sans penser à la vente. Ça y est, c'est loupé. Laisse-moi un couplet pour les shoot et tous. J'vais les essouffler. Malgré voir, ils se brouffent et trichent et pour le flouze. Le rap, mon combat, j'donne des cours de prose. J'reviens les gifles et mettre une double dose. Quels les paramètres? PK, L, Y, ma sauce à trois lettres. Ça y est, c'est loupé, mon cerveau fait looping. Ça y est, c'est loupé, mon cerveau fait looping. Ça y est, c'est loupé, mon cerveau fait looping. Ça y est, c'est loupé, mon cerveau fait looping. Ça y est, c'est loupé, mon cerveau fait looping. Ça y est, c'est loupé, mon cerveau fait looping.